La chronique cinéma. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je fais ? Tu deviens complètement con ou quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je suis le parrain de ton fils. Mais enfin ! Lutin, malin, pestil ! Waouh ! Je la veux encore ! Ça ne doit plus arriver ! Ça fait partie des listes de choses qui ne doivent plus arriver ! Là, c'est... Franchement ! Voilà. Père Félix Typhon, vous écoutez Radio Bonco. C'est à moi. Je suis ma reine, la bonne fée. Bon con, bonne conne, chers amis auditeurs, bonjour à tous et bienvenue dans la chronique cinéma du Père Félix Typhon. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Lady Gaga. Mais c'est aussi l'anniversaire de Léane Terrol. Joyeux anniversaire, Léane Terrol et Lady Gaga. Happy birthday. L'intitulé de la chronique qui va suivre sera « Lapin compris ». En effet, nombreux sont ces films à fin ouverte qui utilisent l'interprétation du spectateur à des fins scénaristiques. On a beaucoup réfléchi après Inception ou Interstellar. Il y a aussi ce genre de film avec un super twist de fin qui remet toute la chronologie du film en question. Par exemple Memento ou Irréversible. On arrive plus ou moins à trouver une explication à cela. Or, il existe des films que l'on a beau voir et re-revoir, et où la finalité sera toujours « Lapin compris ». Focus sur ces petits morceaux de bravoure qui valent vraiment le détour. Oh yeah ! En numéro 1, il faut voir « Réalité » de Quentin Dupieux, réalisé en 2014. Génie de l'absurde, ce film est l'un des plus aboutis du réalisateur, dans lequel Alain Chabat excelle. Le pitch, Jason Tranta veut réaliser son premier film d'horreur et soumet son projet à Bob Marshall, un riche producteur. Ce dernier accepte, mais à une condition. Jason a 48 heures pour trouver le meilleur gémissement de l'histoire du cinéma. Ça paraît simple et pourtant, rien ne l'est. Le film délivre plusieurs niveaux de lecture, qui parfois se croisent et se superposent, oscillant entre rêve et réalité, avec des motifs répétitifs, comme des déjà-vus, qui donnent au scénario une forme labyrinthique, si bien qu'à la toute fin, lapin compris. Trouver une logique à tout cela relève du défi, et pourtant, on jubile devant l'ingéniosité de Quentin Dupieux. En cadeau, je vous laisse un peu avec le motif musical de Philippe Glass, qui revient plusieurs fois dans le film et qui vous hantera longtemps après visionnage. En numéro 2, je vous suggère « Céline et Julie vont en bateau » de Jacques Rivette, réalisé en 1974. Cinéaste de la nouvelle vague, Rivette s'est très vite lancé dans le cinéma expérimental, ce qui a donné pas mal de petits hybrides. « Céline et Julie vont en bateau » raconte l'histoire de deux jeunes femmes qui, en explorant une maison abandonnée, découvrent qu'elle est en fait habitée par des acteurs fantômes qui jouent sans cesse une étrange comédie, un mélodrame de l'Odéon. Là aussi, il y a question de mise en abîme et de répétition, dans une fantaisie théâtrale débordante, aux frontières du rêve. Si bien qu'à la fin, je vous le donne en mille, lapin compris. Oh yeah! Et pour finir, focus sur le maestro du lapin compris, David Lynch, bien évidemment. À travers son œuvre, le cinéaste a su créer son propre univers, surréaliste, halluciné, dans un onirisme parfois violent, si bien que Lynchien est devenu un style à part entière. Je ne saurais que vous conseiller l'excellente série Twin Peaks avec une saison 3 qui repousse les limites du what the fuck, mais le film qui s'inscrit à mon sens le plus dans le lapin compris, c'est Mulholland Drive, réalisé en 2001. Le film raconte l'histoire de Betty, campée par Naomi Watts, qui se lie d'amitié avec Rita, une jeune femme amnésique qui vient tout juste d'échapper à un meurtre. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf que le récit ne sera pas du tout linéaire. Viennent s'injecter des scènes qu'on croirait dépourvues de lien avec le reste de l'histoire. Sauf qu'en fait, si. Mais comme notre cerveau a vraiment du mal à en faire quelque chose de logique, ça crée une spirale géniale et mystique dont on a du mal à se lasser. Un film qui n'a donc pas d'explication, ou alors plusieurs, ça reste un mystère délicieux, puisque le film a été sacré meilleur film de la décennie 2000 par les cahiers du cinéma. Oh yeah! Voilà, je ne vous en dis pas plus, et vous laissez choisir votre film du soir avec la douce musique de Twin Peaks parce qu'elle est quand même ouf. Mmh. Avant de nous quitter, je vous propose un petit jeu. Citez-moi un film que vous avez vraiment, mais vraiment pas compris. Le gagnant recevra un lien avec la page Wikipédia qui donne l'explication du film. Voilà, bisous. Je vous donne rendez-vous un autre jour, je sais pas quand, pour une autre chronique cinéma. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, applaudissez le personnel soignant, applaudissez le Covid pour avoir attaqué Boris Johnson, applaudissez vous parce que vous êtes formidables, restez branchés sur la radio des bons cons, et encore joyeux anniversaire à Lady Gaga. La chronique cinéma. C'est pas quoi faire. Est-ce que je fais? Tu te dis complètement con, quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le parrain de ton fils. Mais enfin. Lutin, malin, pestille. Waouh. Je la veux encore. Ça ne doit plus arriver. Ça fait partie des listes de choses qui ne doivent plus arriver. Franchement.